Tu as vu, papy? Il fait meilleur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort, je n'entends rien. Papy, tu entends de plus en plus mal. Je te dis qu'il fait plus chaud aujourd'hui qu'hier. Ah bon? Mais pourquoi est-ce que tu parles plus doucement qu'avant? Papy, je parle exactement comme avant. Oh, tu veux dire que je suis sourd?